Le homepage d'Internet de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a présenté le 26 courant un écrit de la compatriote aux États-Unis, Kim So. Elle y a critiqué Park Geun-hye qui, lors d'un dîner de consolation pour les méritants qui ont participé à la guerre du 25 juin, a péroré que le Nord poursuit la voie d'isolement et de confrontation dangereuse en tournant le dos aux efforts de la communauté internationale pour la paix, pour ainsi tromper de nouveau la population.